sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezonek. Comme d'habitude, on commence par Gary Warvue. Aujourd'hui, l'émission 367. Oui, Trihanseis à Trihugen. Voilà. Et aujourd'hui, alors, on va parler d'un... Bah, c'est un adjectif, si on veut. C'est, en fait, c'est un participe passé, mais qui sert d'adjectif. C'est Stamboret. Alors, Stamboret, en fait, il y a un adjectif hein, qui est Stambor. Mais ici, on emploie plutôt le participe passé, puisque Stambor a donné un verbe qui est Stamboran, et le participe passé, c'est Stamboret. Alors, comment on pourrait traduire ça? Alors, il y a un mot qui est Stambor. Stambor, c'est l'indigestion, le ballonnement. Donc, on voit bien, hein, Stamboran, c'est rendre ou devenir encombré, barbouillé, voilà. Donc ce verbe, hein, stambor, hein, encombré, voilà. Et alors le participe passé, c'est stamboret, qui était très très employé, hein, qui est encore encore connu, mais je trouve que ce serait intéressant de le remettre un peu au goût du jour. Hein. Stamboret, donc, pour quelqu'un qui est encombré, qui a une digestion un peu difficile, voilà. Alors bien sûr, il y a toute une famille de mots autour de ça. Par exemple, Stamborus, donc Stamborus qui entraîne l'état que je décrivais avant, donc qui veut dire bourratif. Hein, on disait étouffe chrétien autrefois. Ouais. on voit tout de suite, hein, par exemple, certains gâteaux un peu difficiles à avaler. Hein. Avec beaucoup de beurre. Voilà. Beaucoup d'œufs. Ouais, ouais. Ben, ça dépend ce qu'on a mangé avant, quoi. Quand c'est en fin de repas, des fois, c'est un peu difficile. Ouais. Alors, il y a le contraire aussi, qui est distambor, alors qui peut avoir deux sens. En fait, distambor, c'est soit digeste, hein, mm-hmm. quand il s'agit d'un aliment, ou alors, c'est quand il s'agit d'une personne, c'est quelqu'un qui n'est jamais rassasié. Hein, distambor, c'est-à-dire il a beau manger, il est jamais stamboré, quoi. Stamboré, d'ailleurs, on pourrait faire un bretonnisme avec ça, hein, je l'ai entendu, hein, stamboré pour dire barbouillé aussi, hein. Voilà. Alors, pour rechercher l'origine du mot, en fait, en gallois, il y a un verbe qui a disparu en breton, qui est boran. Boran, qui veut dire engloutir, hein, avaler gloutonnement, si on veut. Voilà. Donc, certains pensent aussi qu'il y a une liaison avec stank. Hein. Donc, ce serait stankboren. Hein. C'est-à-dire, en fait, une idée de, oui, d'avaler gloutonnement, hein, stank trop rapidement, quoi. Voilà. Alors donc, le mot stambor, on dit stamborg aussi, hein, pour dire bourratif, comme ça. Et puis, un substantif qui décrit cet état-là, hein, c'est stamboradur, qui est déjà quand même un peu plus savant et un peu moins employé, quoi. Voilà. Alors, oui, alors souvent, on dit, par ici, on dit « manieur stamboret ». Manieur, c'est le mot « manière », hein, qui est utilisé pour dire plus ou moins, quoi. Je suis un petit peu encombré, quoi. Peut-être qu'on reviendra sur « manieur », hein, cette façon de dire, hein, « manieur stamboret », je suis un peu encombré. Voilà. Par exemple, « stamboret gander chocolat »,« stamboret gander giste », on peut être « stamboré » par beaucoup de choses. Alors, un peu dans le même sens, il y a hug aussi, hug qui est un adjectif, hein, qui serait dérivé d'une onomatopée, en fait. Hein. Voilà. Et donc, qui veut dire écœuré aussi. Hein. Hugin, hein, c'est écœuré. Ah oui, c'est... c'est dur, hein. C'est dur, ça, aujourd'hui. Alors, hugin, écœuré... Et c'est aussi au sens moral ou au sens physique. Hein. Quand on dit Hugedon, ça peut, c'est soit physique, hein, soit moral. Hein. Je suis vraiment dégoûté, ça me dégoûte, je suis écœuré. Hein, Hugedon de Ganzi, hein, je suis écœuré par cela. Et Hugus qui est écœurant. Alors il y a encore un autre mot qu'on utilise souvent, c'est Runcugne ou Rucugne. Hein. c'est R-U-N-Q-K-U-N, hein, ça s'écrit Runcune, mais en fait, nous, on dit Rucugne. Hein. Rucugneuse, repoussant, écœurant, quoi. Toujours pareil. Hein. C'est l'idée de la répugnance, en fait. Et ça, c'est amusant parce que ça vient du mot rancune. Et ça a pris, ça a été adopté en breton au XIe siècle, et ça a pris un sens totalement différent du mot français. Hein. Mais il est possible que le mot français à l'époque ait eu d'autres sens aussi que la rancune aujourd'hui. Quoi. Voilà. Alors runcunius, hein, répugnant. Et le contraire, c'est diruncune. Alors là aussi, diruncune, ça peut être quelque chose qui n'est pas écœurant, ou alors c'est une personne qui a le cœur bien accroché, quoi. Donc qui n'est pas sensible. Donc diruncune. Hein. Voilà. Et pour finir, runcunine, qui veut dire repousser, répugner. Ben, c'était dur à avaler tout ça aujourd'hui. Hein. Mais bon, voilà, hein, c'est des mots qui existent. Hein. Il faut bien prendre toute la gamme des mots qui existent. Voilà, bon, on va s'arrêter là-dessus. Merci Henri. Deuxième partie d'émission, Brison avec temps matin. Oui, alors aujourd'hui, on va repartir un petit peu sur un regard sur Zanto, qu'on fait ça de temps en temps. Et c'est Morgane qui va faire cette présentation. Alors, zèle war Zanto. Zanto a zo ar barous de Skreisbreiz. War dro triran adud a zo chom ba Zanto. Ba barous Zanto a zo ar bourg a dek gerianen. War en kalak e man ker markal, ker uel a ker izel. Ba ker izel a zo ar chapel gwan, chapel zantern. Bakar Markal a zo ar vivin, hag ur stank, war en zan Nicolas emant Kermark, Kerplouz a Kermene, war en Rostren emant Kervern, a Rosker, Kerneve a Kerblei. En tual dar Blavez emant Parouz plouderien. Ba bourg zan Tolek eve kavet un tiker, un iliz, ur skol, a ren verziau, a gosteleri fanchpen kwat. Ba kreiz ar bourg emant plas en ar bourg vel just. Job ne delek a zo bet meskoll pat pell. Bremañ, emañ war ileve. Met kalz a dra oara. Hein, e prezidant kevre digez bleunioù zan tolek. A gille prezidant ar skipa imel droat, maig ne delek e ivrek. Noblen talek a ronan andu ar a skoll bremañ ba zan tolek. Jean Loubris e ar Marshall. Dresan ara aie ar veloioù, hag an otoioù ar vechou. Soaz e ivrek. Loul kermene e ar bara er. Ivrek, maig kermene, a zoet da verez, Pemblasso. Pierre ma guichère et oua mère roc. Bakar marca les mains au chaume, gant ivrec, rosa. Henri Guilcher, ma ba mère cause, azo laboureur douar, bakar marcal. Iwa andin et achig, Hélène et ivrec. André Gac de Skerverne et président d'Arvoulistet, qui vridigues boulouz en tolk. Lou Guyader de Skernevé et président de Club Arégos, plus jadur à 40. Iwan Andu et Arperson. Fanch Penquat et Pau dans Nostalerie à Zoneur Tronjon Gaulier. Calz adut aux rois aux chaumes basantolek. Ma peu soin d'un aouné, chilaouet bemzun, interbrezonek. Alors Henri, on reprend ? Oui, d'accord. La présentation de Zantolek, parce que ça fait du bien des fois de représenter. Oui, puis il y a des gens qui commencent à écouter, alors. Tout le temps, il y a de nouveaux qui arrivent. Marie. Et puis maintenant qu'on sait où c'est, puisqu'on a vu à la télé dans le film de Sébastien Lefignoux, exactement l'endroit où est Zantolek. Oui, on a vu l'endroit, oui. Oui. Alors, Erzel war Zantolek. Voilà, un regard sur Zantolek. Zantolek a zoar barous de Skreisbreis. Voilà, c'est une commune du centre-Bretagne. Wardro triron adud a zoar chom ba Zantolek. Donc il y a environ 300 personnes qui habitent à Zantolek. Ba barous Zantolek a zoar bourg a dek Geriaden. Oui, donc dans la commune de Zantolek, il y a le bourg et 10 villages. Des villages au sens ici, hein, parce qu'ailleurs on appelle ça des hameaux. Mm. Mais ici c'est des villages. Ba barous Zantolek. Warren Kalak et Manker Markal qui ruelle à Kérizel. Voilà, donc sur les villages de la route de Kalak. Bah, à Kérizel, elles ont chapelle Gouande, chapelle Zanterne. Voilà, donc à Kérizel, il y a une belle chapelle, la chapelle de Saint-Ternin, où on va régulièrement. Bah, Kermarkal, elles ont ville et Nagerstank. Donc à Kermarkal, il y a un moulin et un étang, ça va ensemble aussi. Warren Zan-Nicolas et Manker Mark Kerplouz à Kerméné. Voilà, les villages sur la route de Saint-Nicolas, du Pelem. Ouais. Warren Rostron et Manker Verne à Rosker, Kernévé, à Kerblay. Voilà, une route aussi pour aller à Rostronin. Vous voyez, c'est le centre du Kreisbreis. Mais voilà. En Tualdar Blavès et Manparous Plouderien. Voilà, de l'autre côté du Blavet, il y a la commune de Plouderien. Qui est moins belle. Hein? Oh non, c'est pas mal aussi. Mais il y a une bonne équipe de foot, par contre. Il y a une bonne équipe de foot. Oui. Babourg Zantolek et Vekavet un Tiker, un Ilis, un Skol, à Renverzio, à Gostaleri, Fanchpenquat. Voilà, tout ce qu'on trouve, hein, l'église, la mairie, et puis le bistrot aussi, quoi. Et les commerces. Bah, Kreis Arbourg et mon place en Arbourg. Voilà. Donc, au centre du bourg, il y a la place du bourg, bien sûr. Job Nedelek, Azobet Meskol, pas de pelle. Oui, alors Job Nedelek, c'est l'ancien instituteur, hein, et qui fait beaucoup de choses. Voilà. Vraiment, aimant voir il élevé, mais calza drawar. Voilà, maintenant il est en retraite, mais il fait beaucoup de choses. Ouais. Et président de Kevridiges Blenius en Tolek, a givé président Arskipa Imel Droite. Donc il est président de l'association Blenius en Tolek, qui est association culturelle et d'animation, et aussi il est président de l'équipe de football. Maïne Delek et Ivrek. Et voilà, et sa femme, qui était aussi institutrice, c'est Maïne Delek. Voilà. Noël Talek à Ronan Andu à Rascol, vraiment ou Bazantol. Alors les instituteurs actuels, c'est Noël Talek et Ronan Ledu. Jean-Louis Brise et un Marshall. Alors Jean-Louis Brise, c'est le maréchal Ferrand. Tressan Ara, Yé, Arveloyo, Agotoyo, Arvechou. Oui, alors il répare aussi les vélos et puis parfois les voitures, hein, quand il n'y a pas trop d'électronique embarquée. Il n'aime pas ça. Voilà. Soise et Ivrek. Soise, c'est sa femme. Louis Kermene et Arbaraer. Alors, Louis Kermene, c'est le boulanger. Voilà. Ivrek, Mike Kermene, à Zoé de VRS, Pemplaceau. Voilà, donc sa femme, hein, Mike Kermene, est allée mère, hein, si on dit Zoé de VRS, hein, en breton on dit ça comme ça, donc est allée mère il y a 5 ans maintenant. C'est pas sûr qu'elle se représente, si. Ah ben, on sait pas encore. Hein, ça approche les élections. Ça approche, hein, 2014, oui. On n'en parle pas encore. Non. Pierre Maguichère et Armand. Voilà. Pierre Maguichère et Armère Roque. Et voilà. Ouamère Roque. Ouais, Pierre Maguichère, c'est l'ancien maire. Maire cause, comme on dit en breton. Bacar Marcal est mon chaume gant ivrec Rosa. Donc il habite à Kermarkal avec sa femme Rosa. Henri Guilcherre, ma ba maire cause, azo laboureur douar, Bacar Marcal. Ouais, alors donc son fils, hein, a repris l'exploitation, en fait, à Kermarkal. Iwan Andinf et à Rigger. Alors, Hélène et Ivrec. Voilà, lui c'est le boucher. Hein, il y a tout à Zantolek, c'est formidable. Voilà. Et Hélène, c'est sa femme, oui. André Gac de Skerverne et président d'Arvoulistet, qui est Rédiguez Boulouz Antoluk. Oui, alors lui, il est président des boulistes. Hein. Orvouliste dans breton, parce qu'il y a une mutation, puisque c'est un pluriel de nom de personne qui se termine pas par ou. Donc on dit Orvouliste. Donc lui, on l'entend de temps en temps, il vient parler des concours de boules et des choses comme ça. Ouais. On l'entend pas souvent. Pas souvent. Non, c'est pas un bavard. Louis Guyader de Skernévé est président de Cleur à Barégos, Plijadur à 41. Lui, c'est le président des anciens. Hein, Plijadur à 41, joli nom. Ah oui. Voilà. Iwan Andu, Arperson. Iwan Andu, c'est le recteur hein, depuis 30 ans. Fanch Penquat. Oh, celui-là restera là. Voilà. Et Pau dans Nostaleri, à Zoneur Tranjeune Gaulle. Alors, Fanch Penquat, c'est un autre personnage, c'est le gars du bistrot et qui est sonneur de clarinette aussi. Ça va bien ensemble. Voilà. Calza Andu, d'Azokroas, au Chombe, à Zantol. Voilà, il y a encore beaucoup d'autres personnes qui habitent à Zantol. Ah, ils sont 300 alors. Voilà. On peut se rendre dans Naouné, Chilaouet Bemzun. Voilà, alors si vous voulez les connaître, écoutez chaque semaine Hénor Brezondek. Et ben voilà, on termine là-dessus et on passe à Petra Zonevervo. Troisième partie d'émission, Petra Zonevervo, Eri. Petra Zonevervo, calze drau et vel just, boerve je dis ouzan. Krogom de dianton vel custum grandola bourdouar, agarvu et oa armez. Babla de zone de vil trisek, ne vaut que de votadegou vid tout d'un dut, mais vid de labourer yon douar, vaut votadegou. Votagedegou et vid kamchou ala bourdouar, galak chambre d'agriculture. Ag bebrouer la vegretze, hein, vota dégout et vide casse tut de gamp, tut d'ilenet, hein, gande labourer yon douar. Ag nekewar gande labourer yon douar, mais quand tu d'elle, hein, plus dur, zo dégrumad au votant, hein, des collèges velvelard d'in galak, hein. Ag vota dégout ze vogret, ba misjen ver dauvil trisek, adrelizan. Neiz eus eus weire o vo gwaret gant piwe d'ar maout hag piwe de kamelar bourdouar. A war aler ze vo dilen tud vi mont ba kamchou randvro, hein, ze velar de chambre régional. A aler vo dilen tud roaz vi mont de gamb vi d'ar brohal bez hein, ve get de ze APCA. Hag a ze vo chanche de ur président de Zuroar et Guy Vasseur bremañ roaz. Bon, ur mar emañ ve gret kalz e brudereuse e ve just e vin michir eo el arbour douar. Pe dur ve klask tu de labour ad war an dachenze ou an dro de l'arbour douar hag an ekedez kav ou tu de labour ad war armez. A klas zo ive de gad tu diao an gen an stalian war e fermio. E breiz gant per departement pe lar in mod, an ek breiz bez, zo daugen mil ferm Hudunde, hag tost nant ur evolib ben deglam. A red ka tu de viel just evit hatapune. Hag azin kam labour douar herpet gant un FNSA hag gant labourer yon dou ar yaouan, neus gret bruder eus vidze, neus gret ur zun vid un treuskas, ze oa galag la semaine de la transmission. Bon, hag se zo komp ze kalz deus pe sa mod vefe be moyen de gant tu yaouan de dapo ferm yaou. Dans mon temps, vraiment, war d'achen un endro. Be pla vraiment un boeve, oa be de un em vod bras, ba rio, aze, ve gret un em vod bras, oa ar bit, un dro d'ur skeul amzan, pez ve l'ar de lima galag. Hag blamme oa e be gret ze, ba doa, ze zo ba bro katar, kom ze ve kalz ze hatar, ur mar eman, hag dohan bro zo bet bode d'ar vit komz de zeur skeul amzor. Bon, bet a bremañ jen eus jervis ket de kalz draou, j'y oas met bon mon orei matrezen ur vich penek en un trou war ok. Ben e blam eus an matrezen vo gret ba Paris. A peve komz deus skeul amzor juzmad oa beskrive de ba bla dao vilper lever gant le roi la duri aze an eus vid komz deus histoire ce que l'amzer, histoire du climat. A garez ve gwell d'un temps pe sa mod oa bet ce que l'amzer l'ar an daou vil lasso. Ave kavet blavezio a vije tom tre, a blavezio a vije yin tre. Da skwer o milion de dut oa bet l'ar de gane yinder, ba blavez mil huer kantriz ega per ugen, 1693 ega lagan. A oa bet l'ar de wardro o milion de dut gant e yinich an. Hag ba bla 1690 oa bet l'ar de 50,000 gant un dom d'or. Oa le red zo bet der mod, trou sors. Bon, me bremañ me meustra zo kudenou gant ur skeul amzer peudur zo re ezen ou vel ur CO2 vel ar de nezen karbonek. Azira velon tigwer un drone ur bet, a setu tom tam matam, dom tam matam ur skeul amzer. Bon, gwell vo pe sa mod vo kon. Bon, warda chen ur politike, rez ar ne larin ke kalz dra ur vejman, ne gomzin ket ar deus jej bletre e notro fillon hag notro kopé, na deus troio ke ar DSK, zezo evidon mi, zezo politikachou, roariou e vid jacobine, dag vid breiz am eus ket kalz dra de hotaz de student trouz. Se tu pe regn de gomzin ket ar de spes vekled ba mediai o braz. Wardach en ekonomi eus bremañ, komz eve kalz ar mar eman deus min graen breiz. Peu dur min graen breiz, bon, men gleuz yo zo, me jiwaz deus kalz de blas ouve dias en men graen, jonj peus pe moa komz deus labour yo vid ur tram ba Brest, oa dias de men graen deus brochina, bon, a un tamm me pe bler ve dias traoù deus men graen deus un Spagn pe deus Portugal, hag vek din plije de men graen zo bavro. Me meustra, meus klev l'ar de nevesso ba gwen gamp, un dro de un tigar vo gret labourio a vo in plije de men graen deus evro. A ze zo un dravat. Vejenant zo reblijtin kom star de stud evro, un DL oa bet de inor bakal ag Daniel Bercot, vi de labour an eus gret, en up d'or lev de mucoviscidose, dreistol gant ur redadeg zo handvet PLB, pe Pierre Le Bigot ma peswan. Hag handvet ebet marag ur strol ad inor, de la rade galag vlour, chevalier de la Légion d'honneur. Hag a zezon dravad, vitan. War un da chenel, ur plar a zo hanavet mod ba rostren, a tro war dro, neus bet ur medal an erhan en duristeles, honz e mai madal an ur baker, hag an eus labour e kaz war glad evro, a skrivel o bern trau ben ur geloen e oa men yatut. Bon, kom zo mon tamm bremañ deus zevena dur evro. Vejen amzer e gontan dar deus galoek, yez bro uel, breiz uel pe larin mat, galek vel arze galo, hag nevesso zo bedin bande de o lever skrivet gant Michel a Claude Bourrel hag eus o haunet le galo denaché. Da la rade, ur galo eg dinas ket vefe belar da mwez anek. Hag ar vek av e kalz draou fentus a kunigen ou a galo eg, a traou fentus en drod ur galo eg. hag a zo war a lever zo tresaden ou zo gret gant nono, hein, zo an aven mat. O lever el zo bet im bant en eus ket gwall bel zo, gant penad ou vije skrivet gant Job Jaffré, bas a gazet en La Liberté du Morbihan, hag penad ou zo vije lard e trezon me brezonek, hag plus justré e len Job Jaffré fent tuse a skrivet le brezonek mat tre, gant an tam pouez gwenedek, hag zo brad len. Bon, un drase zo im bannet gant emglev en Norian. Aliz gant an dar deus tro koz an tam vel bue ar zen, hag amme man bet hiz viz koaz de skriv an tro war ze, hag an den yaong ar, an wanket hag e yaong, met meus ke beklev komz deus an rog, hag an se lak an nan yaong. Vulub Guillou en eus krog de skriv o tro war bu ar zen dis, hag evit ar vechien, lever tient an e bu ez an genole. Bon, zez o bet imbanet gant un imbanadur yo dialog. On den a zo an arven mad, ive e Hervé Le Sec, deus bet skriv de lever yo di war ben un troio lavar galak hag zo levezon de gant ar brezon, bretonisme fel vela, hag bremañ eus imbanet o lever el c'hoaz, a zo c'hant veut madou e biniget. Hag vel war a lever le galo de nache zo skeden ou gret gant nono. Bon, hendel, evit kloz am me dam kont, am an de gant l'artar, zo oart peus klevet l'art oaed ur feznoz ba glad ur bet, gant an UNESCO, hag bon zezon dravad vid de reine de stourmet vise, a de diant an tout d'astum, met de sevo c'hat komz ur vegel, ka ou bien traouz de la oar zi, a setu hant de chui vi hudu.